Les petites histoires de Tell Me. Salut, moi c'est Arthur, et j'habite le meilleur village du monde entier. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il regorge de légendes géniales. Aujourd'hui, je vais vous parler du pont coupé. Dans la forêt qui entoure mon village, si vous allez au bout du chemin bordé de mûriers et de noisetiers, vous tomberez sur un pont perdu au milieu des arbres qui enjambe un petit fossé. Impossible de le traverser car il en manque toute une partie, comme s'il avait été tranché par une épée géante. Beaucoup de monde se demande où est passée la moitié manquante, car personne n'en a jamais trouvé la moindre trace. Et il y a une raison à cela. Elle n'a jamais disparu. Elle est simplement de l'autre côté, dans le monde des fables, un univers magique où vivent toutes les créatures de contes et légendes. Ce pont reliait les deux mondes et permettait à leurs habitants d'aller et venir comme bon leur semblait. Tout se passait merveilleusement bien, jusqu'au jour où la reine des fables convoqua tous les fèves des humains. « Je vais devoir fermer ce passage. De noires idées naissent un peu partout dans nos royaumes et sèment le chaos. Il ne faudrait pas qu'elles trouvent le pont et envahissent votre monde. Une fois la bataille gagnée, nous nous reverrons, je vous le promets. » Les humains n'eurent pas le temps de protester. La reine retira la pierre qui se tenait au centre du pont et zoup ! Le passage fut fermé à jamais.